ça c'est quoi? Nouvel album dans les bacs. Ok, ok. Uniforme mélancolique, je suis face à mon instinct tragique. Toujours vrai, même en période de reste. Je suis face à mon passé, 23 ans, les années se sont succédées. Un mental d'acier, un cœur souvent arraché. Je suis face à mon mal-être, ma rage, tu peux la ressentir sur mes lèvres. Nique sa mère, je veux croquer dans la galère. Je visionne comme un vautour, je suis barreau. Parce que la vie m'a pas léché le choix gros. Je me suis souvent cette époque où les délires étaient passifs. J'ai dû sentir mon gueule, ma vie était en deuil. J'espère avoir un cercueil aussi large que la Méditerranée. Pour ça, faut la mériter. La street m'a rattrapé, plus de neurones. Je suis seul dans l'œil du cyclone. L'heure tourne, mon passé s'est effacé. Trop de choses se sont passées. Au final, c'est Dieu qui vient m'emporter. L'heure tourne, la galère nous envahit. Beaucoup de personnes nous ont trahis. Nos sourires cachent la tête de nos souffrances. L'heure tourne, la galère nous envahit. Beaucoup de personnes nous ont trahis. Nos sourires cachent certaines de nos souffrances. Alors que le soir nous pleurons en silence. La jeunesse n'a aucune méfiance. Se donne à la rue en lui faisant confiance. Ils ne connaissent pas le danger de ce que le futur pourra évoquer. Nous avons beau éviter les problèmes, mais chez cela revienne. Il faut savoir gérer sa vie sans souci. Mais tous les destins sont écrits. Je sonne dans l'œil du cyclone. Illégalement armé, j'ai la dalle. Parce que les portes sont refermées. Je prends tout sur moi. Écrase mon cœur parce que j'ai pas le choix. Gloire à la conscience de ma haine. Je suis parce qu'il y a trop d'aériennes. Un freestyle hard comme une bataille. Je me peine dans mes cauchemars. En rêvant de la gloire. Le paradis est à portée de nos voix. La France est à l'image de son roi. L'heure tourne, la galère nous envahit. Beaucoup de personnes nous ont trahis. Nos sourires cachent certaines de nos souffrances. Alors que le soir nous pleurons en silence. L'heure tourne, la galère nous envahit. Beaucoup de personnes nous ont trahis. Nos sourires cachent certaines de nos souffrances. Alors que le soir nous pleurons en silence. Ok, ok, the dog. Fuck. Yeah. Okay, okay. Yeah.